La voix est née du sable Riderskel et cette voix. Il n'a pas de temple, pas de bannière, mais tous l'écoutent quand l'écran s'éclaire. Il ne promet rien, mais il reste, et dans le désert, sa constance est prière. Chaque mot est une dune sculptée, chaque stream une offrande partagée. Les Fremins eux-mêmes s'arrêtent quand résonne Riderskel dans le vent sacré. Riderskel, ô porteur du flux, Riderskel, souffle des dunes, ta voix nous éveille, ta présence nous lie. Dans chaque tempête, tu es le pilier. À jamais dans le souffle.